Route 1. La Virginie s'habille en printemps. Ça sent la Suisse, pense Faustine en marchant le long de l'allée bordée de sapins bleus pour rejoindre la boîte aux lettres. Le talus explose de tussilage et de primes verts. À l'intérieur des feuilles de taconnet, l'autre nom du tussinage, une petite goutte de rosée brille. Faustine récupère le courrier puis s'en retourne en respirant à plein poumon. En l'horlogie, chaque objet a désormais trouvé sa place. Maxime s'est amusé à construire une jolie étagère de séparation entre la cuisine et le salon, uniquement destinée à couper un peu la grande pièce tout en laissant passer la lumière. Il n'est pas question d'y poser autre chose qu'un ou deux bibelots, voire une plante en pot. Faustine, installée dans une routine rassurante, cuit son pain un lundi sur deux, fait sa lessive le suivant, et ainsi de suite. Quelle déception cette machine à laver! Une cuve munie d'un bras mélangeur qui se contente de remuer le linge paresseusement. Flic, flac, et retour. Pour dire qu'ils sont si fiers d'avoir été sur la Lune, certains appareils ménagers laissent à désirer. Enfin, on ne peut pas mettre l'énergie à toutes les places, n'est-ce pas? Et s'ils ont fait venir des cerveaux européens afin de leur apprendre à construire des fusées, ce n'est pas pour rendre la vie des femmes plus facile. Après le lavage, Faustine doit placer le linge dans les soreuses. Elle se souvient en avoir vu dans certaines buanderies suisses, du temps où elle vivait à Bâle. C'est une turbine ultra puissante dans laquelle il vaut mieux ne pas mettre le bras, au risque de se le faire arracher. Ce ne sont pas les histoires d'horreur qui manquent à ce sujet. La jeune femme en frémit rétrospectivement. Enfin, sa lessive bien essorée, elle l'étend en vitesse avant de foncer acheter les ingrédients du repas de midi. Faustine a toujours le même plaisir quand elle part en quête dans les magasins, de parvenir à les nourrir tous les deux, matin, midi et soir, pour moins de 10 $ par jour. Elle l'associe à une chasse au trésor. Évidemment, cet exercice requiert énormément de travail. Pas question de se laisser aller à la facilité de mettre tout préparé. Beaucoup trop cher. En plus, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Sur leur table, la bonne cuisine mijotée, choux farcis, rouelles de porc, gratin d'hiver, côtoient des ragoûts légumes purés. Plus rarement, les fameux T-bone steak patate au four et maïs au beurre. Bœuf bourguignon, choucroute alsacienne et goulash hongroise, voire petits salés aux lentilles ou encore légumes farcis divers sont très appréciés de leurs invités, bien qu'ils les préféreraient parfois agrémentés de ketchup ou de sauce barbecue. Deux ingrédients que Faustine bannit sans aucun scrupule. Elle s'est jurée d'éduquer l'Amérique entière, elle le fera. Quand elle dispose d'un peu de temps, l'anthropologue explore les nouvelles enseignes. Il s'en ouvre tous les jours. De plus en plus de magasins de seconde main ou de dégriffés sont inaugurés ces temps à Manassas. Elle en a découvert un qui propose des pulls en cachemire pour 2 $. C'est vraiment fantastique. De retour à la maison, Faustine confectionne le déjeuner qu'elle partagera tout à l'heure au bureau avec Maxime s'il n'a pas le temps de rentrer. Levant la tête de dessus ses casseroles, il lui arrive de croiser fugacement le regard d'un écureuil roux agrippé au tronc du chêne planté devant sa cuisine. Queue en haut, tête en bas. Il la scrute avec curiosité de ses petits yeux en tête d'épingle avant de repartir aussi sec jouer avec ses congénères. Toute la journée, les petits Tamia Sirius sautent de branche en branche, poussant des cris perçants. C'est vraiment exotique d'en voir autant à la fois. Continuant sa tâche, la jeune femme prépare son panier avant d'aller à la rencontre de son homme. Selon le temps qu'il fait, ils s'installeront dans la salle de pause ou dehors sur une table de pique-nique. Pendant le repas, Maxime lui raconte les derniers potins du bureau et parfois, s'il y pense, la tient au courant de ses prochains déplacements. Comme il n'a pas besoin d'elle pour préparer ses bagages, il ne juge pas toujours utile de la prévenir longtemps à l'avance. Lorsqu'il s'agit d'un long voyage et donc d'une longue période de solitude à venir, Faustine le prend très mal. Invariablement, elle se tourne vers l'alcool afin qu'il l'aide à surmonter sa frustration. Aujourd'hui, pas de mauvaises nouvelles. Un petit café plus tard, Maxime rejoint son turbin et Faustine s'en retourne. Dès la vaisselle exécutée, elle se met à la machine à écrire. Quel dommage que son homme ne soit pas romancier. Ce serait tellement plus drôle. Cet affreusement barbant ses bouquins sur les décharges électrostatiques, que ce soit en français ou en anglais. Tout ça parce qu'elle lui a dit qu'elle voulait participer aux dépenses du ménage. Tu parles qu'il l'a prise à la lettre, et ce n'est pas une mince affaire. Ce truc-là est bourré de signes cabalistiques. L'alpha, d'oméga, racine carrée, ohm, méga ohm, indice, exposant, et j'en passe. Un fouillis indescriptible que Faustine s'échine à reproduire avec les pauvres moyens qu'elle a. Ici, pas de souris, pas de copier-coller, pas de reconnaissance graphique, pas non plus de logiciel d'édition digne de ce nom. Pour intégrer un caractère spécial, c'est le parcours du combattant. Parfois aussi, il faut dessiner un organigramme ou un tableau et en tracer les lignes et les rectangles au pifomètre. Quelle gymnastique! Y a pas à dire, faut de l'amour! Maxime lui a rapporté ce qu'elle surnomme une machine à coudre. Un ordinateur de marque Compaq dont le socle fait office de clavier et l'écran à peine 10 pouces. Faustine Rouspette tente et plus quand elle est seule, mais elle se donne néanmoins un mal de chien pour se rendre indispensable. Elle est jeune encore, elle y croit. Quand elle en a vraiment assez, elle allume la télévision. Maxime lui a indiqué quelques séries TV qui sont vraiment marrantes. Tous les soirs, à partir de 16h, les épisodes se succèdent de demi-heure en demi-heure. MASH pour commencer, une série qui suit le quotidien d'une équipe de médecins et infirmières pendant la guerre de Corée. Cet hilarant feuilleton est bourré de jeux de mots en argot. Au début, Faustine les comprend une fois sur 10. De plus, elle est trop ignorante en géopolitique pour apprécier les tenants et aboutissants des sous-entendus et critiques à l'encontre du gouvernement US. Par contre, elle adore la musique du générique, version instrumentalisée de la chanson du film de Robert Altman, Suicide is Painless. Les paroles ont été écrites par son propre fils, alors qu'il n'avait que 14 ans. Un autre jour, elle découvre Bewitched, ma sorcière bien-aimée, avec Elizabeth Montgomery. La série est bien mignonne et distrayante, mais hélas toujours avec ses stupides rires enregistrés. La prononciation étant bien meilleure, Faustine comprend les dialogues plus communs aisément. Elle aime bien cette actrice, qu'elle a étiquetée comique, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un film de 1974, Une affaire de viol. Le premier téléfilm de la télévision américaine a traité du sujet. Il paraît qu'il a eu un réel impact sur la société américaine en son temps, contribuant à faire tomber quelques préjugés. Faustine en retiendra néanmoins que les femmes violées sont et restent des coupables en puissance. Oser porter plainte en conduira plus d'une au divorce. Le mari de la victime supporte difficilement son impuissance, ni qu'on touche à sa chose. Ben voyons. La qualité de l'image du téléviseur laisse néanmoins toujours à désirer. Tant pis, c'est mieux que rien, après une journée entière à taper des pages de calcul. Parfois, les rayures colorées tombent à pic. Pour la petite maison dans la prairie, par exemple, ou encore les jours heureux, l'écran passe alors du rouge au vert et inversement, exauçant le côté comique, selon l'avis de Faustine qui préfère voir les choses de cette manière. Ils sont vraiment impayables, ces indigènes, tellement naïfs par certains côtés, complètement cyniques par d'autres, et d'un pragmatisme opportuniste sans égal. Comment peut-on, en plein milieu d'une déclaration d'amour ou d'une course-poursuite palpitante, passer sans transition à une page de publicité? Et il n'y en a pas toutes les heures comme dans l'Hexagone, mais toutes les 10 minutes. On ne s'étonnera plus de la recrudescence des cas d'obésité si à chaque interruption, le téléspectateur moyen fonce dans le frigo. Épisodiquement, si Maxime est là, s'il ne joue pas quelque part en ville avec son orchestre ou s'il ne travaille pas tard au bureau, le couple décide de regarder un film. Il tente alors une incursion sur la seule chaîne culturelle payante. Un présentateur vous propose un film à côté duquel un certain montant est à noter. Si vous souhaitez voir le film, vous devez téléphoner à la chaîne et promettre une certaine somme d'argent. Lesquelles sommes d'argent s'accumulent? Quand la somme exigée est atteinte, le film est lancé. Les films proposés, souvent européens, sont alléchants et surtout exempts de publicité. Hélas, ils n'en verront jamais aucun puisque pas une seule fois, le montant exigé par les présentateurs ne sera atteint, ou alors si tard qu'ils seront couchés depuis longtemps. Maxime, habitué aux chaînes publiques françaises, refuse d'ouvrir son porte-monnaie. Il attend juste que les autres le fassent. Et Faustine s'amuse de sa contrariété. À la mi-juin, Maxime enchaîne des séminaires à Paris, à Munich et Lausanne. Au retour, elle ramène ses filles Daphné et Anaïs. Faustine fait connaissance avec la cadette, une gamine adorable, très rieuse, tout le contraire de sa sœur, si sérieuse et ombrageuse de tempérament. Daphné a tout de la froide Russie de ses ancêtres maternels, alors qu'Anaïs représente le côté chaleureux de l'Arménie grand-paternelle. Comment deux sœurs peuvent-elles être si différentes? Mais elles s'adorent, même si le premier geste de Daphné a été de jeter sa petite sœur par la fenêtre. Heureusement, le store ouvert du bistrot d'en dessous a sauvé le bébé.